Vous lisez les journaux le matin? Oui, je les lis le matin. Vous lisez plusieurs journaux? Oui, j'en lis plusieurs. Vous portez votre montre au bras gauche? Oui, je la porte au bras gauche. Vous avez plusieurs montres? Oui, j'en ai plusieurs. Vous lisez vos mails le soir? Oui, je les lis le soir. Vous supprimez beaucoup de messages? Oui, j'en supprime beaucoup.